Et là, j'ai lu hier qu'ils étaient en train de préparer le dématage pour pouvoir le sortir du port. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne passe pas entre la cude et le pont avec ses mâts. Donc, ils sont obligés de le démater pour pouvoir le faire sortir. Et donc, quand vous voyez le nombre de cordages, ça va être un sacré boulot de ne pas faire des nœuds dans tout ça. Hein ? Il l'emmène où ? Chez Damen. C'est le chantier de réparation navale dans le port, à côté du phare. D'accord. Et là, ils sont occupés d'enlever le béton qui avait été coulé dans les rigoles autour, parce qu'il y avait à l'époque il y a eu des fuites il y a quelques années, et donc pour colmater les fuites, ils ont coulé du béton, et donc là ils sont occupés à enlever ce béton pour aller pouvoir réparer en dessous tout ce qui était abîmé. Et puis après il va falloir enlever en dessous, en fond de cale, là, le poids, le lest. Après, il va falloir enlever les tonnes de lest qui sont en fond de cale. C'est du béton qui sont compliqués, ça. Voilà, du béton également. Mais ce navire, il navigue plus et il ne sera plus jamais navigable. Voilà, non, mais il y a certaines personnes qui espéraient que les réparations entreprises puissent le rendre navigable, mais ce ne sera jamais le cas. Moi qui habite le quartier et qui le vois quasiment tous les jours, ça va me faire très très bizarre de ne plus voir la Duchesse Anne. Pour moi, c'est sûr, il va manquer un truc, quoi. C'est pas un bateau, c'est pas une histoire d'Aperquoise, en fait. Non, mais il fait partie du paysage de Dunkerque, en fait. Et il y a même un gâteau qui s'appelle le Duchesse Anne. Donc voilà, enfin, c'est pour dire à quel point... Qu'est-ce que c'est? Je peux faire de la pub pour une pâtisserie dunkerquoise. Bon, la pâtisserie Les Doigts de Jean Bar la pâtisserie Vendehall a créé un gâteau. Ça fait longtemps qu'il existe ce gâteau. La Duchesse Anne. Je vous invite à aller le goûter, il est très bon. Si vous aimez le chocolat. Et un petit peu, mais franchement, non, il passe très très bien. Il passe très très bien. C'est un gâteau, c'est un grand gâteau de plusieurs parts. Et sur le dessus, on reproduit l'image du Duchesse Anne, de la Duchesse Anne. Ouais. Bah voyez. Et pourtant, ça existe. Ce gâteau existe depuis assez assez longtemps quand même. Voilà. À défaut d'avoir la Duchesse Anne dans le bassin, on l'aura en gâteau pour patienter. Mais oui, moi, ça va faire vraiment un gros... Ouais, pour moi, je vois pas Dunkerque sans la Duchesse Anne. C'est pas possible. C'est vrai que quand je passe là sur de l'autre côté, que je vois le bateau, je dis oh, mon bateau. Enfin, pour moi, il est vraiment. Enfin, j'adore les bateaux. Faut dire bon, mais en plus le trois mâts et tout. C'est vrai que quand j'ai su qu'il allait partir, j'ai dit oh, mais bon, il va revenir. Ça va. Mais c'est vrai que ça va changer le paysage de Dunkerque, je trouve. Voilà mon avis. Presque chaque fois quand je viens autour du bassin, je le prends en photo. À chaque fois, la lumière est différente, donc à chaque fois, il est différent. Et à chaque fois, il me donne envie de le photographier.